Donc, l'exposé sur Sayadaw demande, c'est l'exposé sur les quatre méditations protectrices est fini et complet. Non, non. Alors, quel est celui qu'il reste Mara, Alors, est-ce que vous vous souvenez quelle est la première méditation protectrice? Donc, c'est donc la contemplation sur la mort. Ce n'est pas une contemplation qui est destinée à faire surgir la peur, mais à faire surgir ce qu'on appelle Samvega, l'urgence spirituelle, ce sentiment d'urgence. Alors, est-ce que la mort vous effraie? Est-ce que vous avez peur de mourir? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur de la mort? Vous n'avez pas peur? Ah, vous avez quel courage. Si ça devait arriver demain, comment réagissez-vous? Donc, si la mort donc devait arriver demain, cela ne ferait surgir en vous aucune crainte, aucune peur? En effet, il y a plusieurs sortes de personnes qui n'ont pas peur de la mort. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas peur de la mort. Certaines personnes, parce qu'ils ont une grande sagesse, ils ont certaines connaissances, et par cette connaissance et cette sagesse-là, ils n'ont pas peur de la mort. D'autres, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'est la mort, et c'est pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Sayadaw a entendu qu'en effet, dans la doctrine communiste, eh bien, ceux qui embrassent cette doctrine-là n'ont pas peur de la mort. Ça, c'est une façon de ne pas craindre la mort. Sayadaw a même entendu que dans la culture chinoise, eh bien, Sayadaw a entendu que dans la culture chinoise, eh bien, le jour de l'an, il ne faut surtout pas parler de la mort. Et Sayadaw explique en effet que certains, même quand ils entendent le mot mort, rien que ce mot-là déjà les fait frissonner. Et pour eux, rien que le mot mort contient une connotation très négative, quelque chose qui apporte le malheur et des malédictions. Donc ils ne veulent même pas entendre parler de ce mot-là. Le Bouddha a enseigné que contempler la mort apportait beaucoup de bénéfices. Donc le Bouddha donc a enseigné que contempler la mort apportait beaucoup de bénéfices. Lesquels? Premièrement, eh bien, avant que la mort advienne, si on prend conscience que la mort peut advenir à n'importe quel moment, que cela donc peut arriver demain, après-demain, eh bien, quand la mort arrive, nous n'avons pas peur. Ensuite, comme nous savons que nous allons mourir, eh bien, avant de mourir, nous nous activons pour faire ce que nous devons accomplir, pour accomplir des actions positives, bénéfiques, telles que par exemple la pratique de la générosité, la pratique de la méditation, dana et bhavana. On peut se dire en effet, bon, je ferai ça l'année prochaine, je n'ai pas de vacances cette année, je ferai la retraite l'année prochaine. Mais on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver dans le futur. Pour une raison ou une autre, une raison quelconque, on peut mourir. Et donc, même si on ne meurt pas encore, cela n'est même pas sûr que l'année prochaine, les conditions seront toutes réunies pour que nous puissions en effet donc entreprendre cette retraite. Et donc, même si nous sommes encore en vie, par exemple, on ne sait pas quelles seront les conditions de notre santé. Et donc, si nous sommes malades, eh bien, nous ne pourrons pas participer à la retraite de l'année prochaine. Le Bouddha a enseigné que la mort pouvait subvenir dans l'instant où l'on déplie et replie le bras. La mort peut advenir à cet instant même. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Est-ce que vous en prenez conscience? En effet, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Elle peut surgir donc dans cet instant on est en train d'étirer, de plier et d'étendre et de plier le bras, la mort peut même surgir après une expiration ou une inspiration. En effet, il n'y a rien d'étrange à la mort. On inspire et il n'y a plus d'expiration. Ceci, c'est la mort. Ou on expire, il n'y a plus d'inspiration. Ceci est la mort. Sayado parle maintenant de la mort, pas pour vous faire peur. Donc hier, l'enseignement de Sayado a déprimé certains yogis. Aujourd'hui, on va parler de la mort, ça va être encore plus déprimant. Est-ce que c'est bien? En fait, même si Sayado ne vous parle pas de ce dhamma, de ce fait qu'est la mort, eh bien la mort est là, la mort est toujours présente en nous. Et en fait, si Sayado vous en parle, ce n'est pas pour faire surgir la peur, pour que vous soyez effrayés, mais plutôt à la manière de quelqu'un qui pointerait vers un danger existant. Ce n'est pas pour faire déprimer les yogis. En effet, le Bouddha a enseigné que la mort existait. Et cela est un fait qui existe. La mort est toujours présente avec nous, que l'on en prenne conscience ou non. Cela est dans les textes, dans les écritures, qu'on les ait lus ou pas, ou qu'on ait pris conscience ou pas, la mort est présente en nous. Donc si vous avez peur de la mort, est-ce que c'est quelque chose que vous désirez ou que vous ne souhaitez pas? Donc, est-ce que vous désirez cet état, est-ce que vous souhaiteriez cet état de non-mort? Donc, si vous souhaitez cet état de non-mort, eh bien, il faut justement contempler la mort. Donc, reprenons. Si vous désirez la non-mort, cet état de non-mort, qu'est-ce que l'état de non-mort? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, cet état que l'on appelle cet état de non-mort, en pali s'appelle Amata. Ou une autre façon de l'appeler, c'est Nibbana. You want to get the Nibbana? Le plein éveil. Le plein éveil. Nibbana est ainsi cet état de non-mort. C'est un état libre de toute souffrance. Et c'est pour ça que l'on médite pour atteindre cet état libre de toute souffrance, cet état de non-mort. Durant cette vie, même si l'on est vraiment accompli dans tous les domaines, si on a une bonne éducation, si on est vraiment aussi très argenté, si on possède beaucoup de biens, eh bien, on devra aussi tout abandonner et finir notre vie et notre vie finira aussi par la mort. Donc, si l'on veut ainsi se libérer de la mort et atteindre l'état de non-mort, il est important que nous pratiquions cette contemplation sur la mort, Marana Sati. Nous devons ainsi, quand nous prenons conscience que la mort est imminente, nous pouvons ainsi nous consacrer vraiment à des actions bénéfiques. Nous allons nous rappeler qu'il est urgent que nous fassions des actions positives, bénéfiques, méritoires, quand notre santé est encore bonne, quand nous avons encore le temps. Cela est un rappel pour nous. Le méditant qui ainsi, contemplant la mort, comprend l'imminence de la mort, l'a intégrée, va pouvoir pratiquer Satipatthana-vipassana plus aisément. Par exemple, quand il va rencontrer des douleurs, des sensations déplaisantes, eh bien, il va se rappeler que la mort peut être imminente et ces douleurs qui lui semblent terribles vont en effet être supportables. Il va pouvoir pratiquer la patience vis-à-vis de ces douleurs-là. Par contre, si le yogi ne peut pas développer de la patience vis-à-vis de ses douleurs désagréables, il va souvent changer de position. S'il change souvent de posture, sa concentration, sa samadhi, ne va pas pouvoir se développer, s'approfondir. Si la concentration, sa samadhi, ne peut pas s'approfondir, panya, la sagesse, ne peut pas fleurir. Si panya, la sagesse, ne peut pas se développer, magga, le chemin, ne peut pas apparaître et Nibbana ne peut pas être réalisé. Aussi, la paix ne peut pas être développée, réalisée. Ce qui advient alors, c'est que le yogi peut être, peut être assailli de pensées telles que est-ce que ces douleurs, quel est le bénéfice de supporter de telles douleurs? Vais-je être malade s'il y a tant de douleurs? Ici, le Bouddha donc, a donc donné cet enseignement, c'est parce qu'il y avait des bénéfices. Le Bouddha ne donnait pas d'enseignement qui n'avait pas de bénéfices. Et Maharshi Sayadaw lui-même avait dit qu'il n'y avait aucun yogi qui était mort en méditant, ou du moins pas encore. Il n'y a pas de yogi qui soit mort dans le cours de leur pratique de méditation. Il n'y a pas de yogis non plus qui sont devenus malades. Au contraire, ce sont des yogis malades qui ont pu guérir leur maladie. Si le yogi peut observer les sensations désagréables avec courage, avec bravoure, il va pouvoir connaître la nature de ces sensations. Connaissant la nature de ces sensations, il va pouvoir développer la connaissance vipassana. Celui qui peut ainsi contempler sur la mort peut ainsi développer de plus en plus de sagesse et ainsi atteindre l'état de non-mort. Contempler la mort apporte ainsi beaucoup de bénéfices. Étant bénéfique pour soi-même, cette pratique constitue une protection. C'est ainsi que le Bouddha a enseigné que cette pratique, la contemplation de la mort, était l'une des méditations protectrices. Comment contempler la mort? De quelle façon? Nous pouvons nous répéter ces phrases-là. Je vais bientôt mourir. La vie est incertaine. La mort est certaine. Comment donc devons-nous pratiquer et contempler donc la mort? Sayadaw nous invite à répéter après lui. Je vais bientôt mourir. La vie est incertaine. La mort est certaine. Je vais bientôt mourir. La vie est incertaine. La mort est certaine. Sayadaw dit que les yogis ici présents sont très courageux. Il y a donc quatre méditations protectrices enseignées par le Bouddha. La première est Bouddha Nusati, la contemplation sur les vertus du Bouddha. La deuxième est Metta Bhavana, la radiation de l'amour bienveillant. La troisième est Asubha Bhavana, la contemplation de la mort. Et la quatrième, Marana Sati, la contemplation sur la mort. Sayadaw explique qu'il suffit dans la pratique de Vipassana de pratiquer à peu près une minute pour chacune de ces méditations protectrices. Sayadaw dit donc avant de méditer Vipassana, donc nous pouvons ainsi consacrer une petite minute pour chacune de ces méditations. Et Sayadaw souligne en fait que Bouddha Nusati est déjà aussi pratiqué lorsque l'on récite Itipiso, Bhagava, etc. Quand on récite cette prière-là, il y a également les vertus du Dhamma et les vertus de la Sangha qui sont comprises. Ensuite, quand on chante le chant du Metta le soir, c'est également la pratique du Metta Bhavana. Donc c'est une pratique que l'on fait déjà. En ce qui concerne les deux autres méditations protectrices, eh bien nous pouvons donc les pratiquer nous-mêmes avant de pratiquer Vipassana. Sayadaw souligne qu'il ne s'agit pas seulement de les pratiquer dans le cadre de cette retraite, elles peuvent également être pratiquées tous les jours, comme l'a enseigné le Bouddha. Quand nous pouvons pratiquer Bouddha Nusati et Metta Bhavana, la contemplation sur les vertus du Bouddha, et irradier l'amour bienveillant, cela est très bénéfique pour notre entourage. Ensuite, en pratiquant la contemplation sur la mort, nous pouvons ainsi nous souvenir de faire ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir, à temps, que ce soit des choses mondaines ou des choses spirituelles. Sayadaw a maintenant fini son enseignement concernant ces quatre méditations protectrices. Sayadaw pensait au départ juste y consacrer une soirée, mais finalement, il y a consacré 4 jours. Comment cela est survenu? C'est qu'en effet, Sayadaw a vu qu'il y avait des yogis, des anciens yogis, des yogis expérimentés parmi l'audience, et que cela leur serait bénéfique qu'il explique en détail ces méditations protectrices. Lors de cette retraite, il a donc consacré 4 jours à ces méditations-là. Peut-être qu'une prochaine fois, il y consacrera 8 jours. Sur ces 4 méditations protectrices, est-ce qu'il y a des points que vous voudriez éclaircir? Y a-t-il des questions que vous voudriez poser à Sayadaw? Oui, il suffit que vous répétiez ces phrases et que vous preniez conscience de la signification, de vous rappeler la possibilité de ces faits-là. On peut aussi donc réfléchir de cette manière, en repensant aux êtres qui nous sont chers, et se rappeler que ces êtres qui nous sont chers, eh bien, un jour ou l'autre également, nous devons être séparés d'eux. Que ce soit des parents auxquels nous nous attachons, un jour ou l'autre, ils devront partir aussi. Nous-mêmes, en tant que parents, nous devrons partir et laisser nos enfants derrière nous. Donc la mort est une réalité que nous allons rencontrer, certainement. Pour les gens qui n'ont pas une sagesse très profonde, quand vient la mort à l'hôpital, c'est à ce moment-là où ils réalisent qu'ils vont mourir, il ne leur reste que les yeux pour pleurer. Ils sont envahis par le chagrin. Par contre, ceux qui sont sages, eh bien, ont fait en temps et en heure ce qu'ils devaient accomplir dans cette vie. Aussi, quand vient la mort, eh bien, ils n'ont pas de chagrin. Ce qui devait être fait a été fait. C'est un peu comme l'étudiant qui se tient toujours prêt pour passer l'examen à n'importe quel moment. La personne qui contemple ainsi la mort et comprend que la mort peut subvenir à tout moment. La mort est imminente. Et prenant conscience de cela, eh bien, avant de mourir, cette personne va essayer d'extraire le meilleur de cette vie-là, d'extraire le meilleur de ce corps-là, d'utiliser vraiment ce corps-là au mieux. Si ce n'est pas le cas, si cette personne n'a pas conscience de l'imminence de la mort, eh bien sa vie va se dérouler à un rythme bien monotone, juste en utilisant son corps. Pourquoi? Pour se lever, ensuite pouvoir prendre son café, prendre son petit déjeuner, aller au travail, rentrer, regarder la télé, dormir, et le lendemain, c'est encore la même chose. Donc si l'on passe tous les jours ainsi, à utiliser le corps juste pour manger, dormir, travailler, regarder la télé, quelle est la valeur de ce corps? En menant une vie de cette sorte-là, qu'est-ce qui nous différencie vraiment d'un animal ou même d'un animal domestique? L'homme, l'être humain, mange la nourriture correspondante à un être humain. Le chien, lui, mange son pâté. Quelle est la différence? L'être humain, l'homme, se repose aussi. L'animal, le chien aussi, se repose. L'homme se réjouit avec sa famille, de la même façon que le chien aussi se réjouit avec sa petite famille de chiens et ses plaisirs de chien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, quelle est la différence entre le chien et l'homme? Sayadaw explique qu'il y a même des chiens qui sont très fortunés. Ils peuvent même voyager dans des voitures qu'on ne peut même pas conduire. Ils sont même plus fortunés que nous. Quant à nous, si nous voudrions monter dans une telle voiture, est-ce qu'on accepterait d'y monter avec une laisse au cou? Alors, quelle est la différence? Oui, il y a un potentiel, mais le chien, lui, il peut aller dans la voiture alors que nous, on ne peut pas y aller. Donc, quelle est la différence, en effet? Selon Sayadaw, il y a le karma. C'est parce que nous avons un bon karma, un karma positif, qui nous a permis de prendre renaissance en tant qu'être humain. Quant au chien, c'est à cause de son karma négatif qu'il a dû reprendre naissance dans le règne animal. En ce qui concerne la possibilité de jouir des plaisirs sensuels, nous ne sommes pas très différents des animaux. Il n'y a pas de grande différence entre l'homme et le chien. Comme vous l'avez précisé, ce qui différencie l'homme du chien, c'est en effet ce potentiel, cette possibilité de connaissance, cette sagesse-là qui est disponible. Et c'est pourquoi cette sagesse-là est à utiliser pour pouvoir accomplir des actions positives, bénéfiques, méritoires. C'est pourquoi, si nous n'utilisons pas ce potentiel de sagesse pour œuvrer et faire des actions positives, bénéfiques, pour soi et les autres, eh bien on peut dire que cette vie humaine n'a aucune valeur. Bien que nous soyons des êtres humains, cette vie n'a aucune valeur en elle-même. Il n'y a aucun bien-être, aucun bienfait qui peut être développé. Donc si nous passons toutes nos journées à juste rechercher des biens matériels, est-ce que cela est suffisant pour remplir notre vie? Si tous les jours, donc nous passons nos journées à faire en sorte de préserver notre bonne santé seulement, est-ce que cela est suffisant pour que notre vie acquiert vraiment une grande valeur, pour qu'il y ait vraiment une valeur humaine? De même, si nous passons tous les jours à juste essayer d'accumuler des connaissances, d'avoir une éducation séculaire, est-ce que cela va vraiment conférer une profonde valeur à notre vie? Qu'est-ce qui peut donc conférer une réelle et profonde valeur à notre vie? Qu'est-ce que vous en pensez? You are good student. En effet, si nous ne pouvons pas accomplir des actions positives, bénéfiques, méritoires, eh bien, notre vie n'acquiert pas de valeur très profonde. Parmi donc les actions bénéfiques, méritoires qui peuvent être accomplies, il y a la pratique de la générosité, dana, la pratique à la moralité, sila, et la pratique de la méditation ou développement de l'esprit, bhavana. Ensuite, parmi ces trois sortes d'actions méritoires, d'actions bénéfiques, la pratique de la moralité, sila, a plus de valeur que la pratique de la générosité, dana. Ensuite, bhavana, la pratique de la méditation ou développement de l'esprit, a plus de valeur, a pas plus de bénéfices que la pratique de la moralité, sila. Par exemple, même si nous n'avons rien à offrir, nous n'avons pas de cadeau à donner, nous ne pouvons donc pas pratiquer dana, la générosité, mais si donc nous pouvons garder les préceptes, pratiquer sila et pratiquer la méditation, eh bien, notre vie a beaucoup de valeur, est très précieuse. Donc, par la pratique de la méditation, nous pouvons extraire de ce corps qui, en fin de compte, n'est qu'un amas, n'est qu'une poubelle, nous pouvons ainsi extraire de l'or de ce corps qui, en fin de compte, n'a pas tant de valeur. Nous pouvons recycler ce corps-là. Nous pouvons ainsi extraire de l'or de ce corps qui n'a pas tant de valeur que cela. Mais combien de personnes sont conscientes de cela? Combien de personnes peuvent le faire? Très peu. C'est pourquoi Sayado considère que les yogis ici présents ne sont pas des personnes ordinaires, que vous êtes très spéciaux. Donc Sayado souhaite à tous que nous puissions ainsi accomplir ce travail qui a une grande valeur, le faire à temps et ainsi pouvoir atteindre la paix de Nibbana. Sadhu. Sadhu. Sadhu. D'autres questions que vous voudriez poser? La pratique de Asubha pendant une minute comment je vous conseille de faire. Donc, comme il l'a expliqué hier, donc vous pouvez ainsi réciter dans votre esprit les différentes parties du corps, telles que par exemple le premier groupe, cheveux, poils du corps, après ongles, dents, peau, et au fur et à mesure que vous pensez à ces différentes parties du corps, essayez de voir justement leur aspect assez répugnant, leur aspect peu attrayant, leur aspect un peu sale. Est-ce que le médecin peut nous donner quelques indications sur la période intermédiaire, parce qu'on entend parler de la mort, on entend très souvent parler de la réincarnation, mais finalement, qu'en est-il entre les deux, ce qui est des étapes, qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien, qu'est-ce qui fait que nous réincarnons dans une personne peut-être meilleure, plus mauvaise? Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Comment ça se passe? On veut dire entre deux renaissances? Entre la période intermédiaire, qu'on appelle le bardo, je pense, en tibétain, mais je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Donc en effet, peut-être que selon la tradition tibétaine, il y a cette période intermédiaire entre deux vies. Sayadaw explique que même dans la culture birmane, eh bien les gens croient de façon traditionnelle comme ça qu'il y a une période intermédiaire, peut-être à peu près de 7 jours. Or, selon l'Abhidhamma, eh bien, il n'en est rien. Il n'y a pas de période intermédiaire entre les deux vies. Oui, en effet. Oui, le Vénérable dit qu'en effet, là, c'est le dernier souffle de vie et tout de suite, vous arrivez sur l'autre vie, à l'autre vie. En fait, quand on parle de période intermédiaire, cette période intermédiaire, c'est justement une autre vie, une autre existence. Donc, en effet, donc selon l'Abhidhamma, il n'y a pas de période intermédiaire à proprement dit. Sayadaw a entendu qu'ils ne connaissent pas vraiment très en détail que dans le catholicisme, il y a en effet cet endroit où avant d'aller au paradis ou en enfer, il y a le jugement. Le purgatoire. Le purgatoire, voilà, le purgatoire. Et selon l'Abhidhamma, en fait, il n'y a pas de lieu ou de période intermédiaire comme ça. Si les actions, le karma est positif, et bien tout de suite, il nous envoie vers une destinée positive. Si le karma est négatif, il nous envoie directement vers une destinée négative. Selon l'Abhidhamma, il y a un exemple qui est donné comme celui d'un courant d'eau. Si par exemple vous arrêtez le courant d'eau et vous dites que là le courant s'arrête, en fin de compte ce n'est pas possible, l'eau n'arrête pas de couler, il n'arrête pas de changer moment après moment. De la même façon, l'esprit également est en effet un continuum de conscience qui n'arrête pas d'apparaître, de passer d'un moment à un autre. Donc, Sayadaw parle de ce philosophe qui a dit qu'on ne pouvait pas traverser deux fois la même rivière. C'était Platon. Là, il suffit que vous pensiez, en tant que yogi, à votre pratique de méditation. Par exemple, quand une pensée surgit, vous l'observez et vous notez pensée, pensée. Une fois que vous l'avez notée, est-ce qu'elle est encore présente? Elle a disparu. Est-ce qu'elle est encore là? Non. Donc, si l'on considère le fait de la mort, c'est la même chose. Que se passe-t-il? Il y a en effet une conscience. Après cette conscience-là, cette conscience-là a disparu et une autre conscience qui apparaît tout de suite après. Si l'on considère ce corps et cet esprit dans leur ensemble, ce corps et cet esprit n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. À chaque moment, il y a toujours une nouvelle conscience qui apparaît et qui disparaît, et de nouveaux éléments physiques qui apparaissent et qui disparaissent sans arrêt. On pense que nous ne sommes pas encore morts, mais sans arrêt, ces phénomènes mentaux et physiques, cet esprit et ce corps, n'arrêtent pas d'apparaître et de disparaître et de mourir. Le corps et l'esprit, les phénomènes physiques et mentaux n'arrêtent pas d'apparaître et de disparaître. Et ceci, les yogis qui méditent vont pouvoir, quand leur pratique se développe, l'expérimenter par leurs propres yeux, de voir que tous les objets qu'ils observent, apparaissent et disparaissent sans cesse. D'ailleurs, tu dis que parmi les yogis de cette retraite, il y a en effet certains yogis qui ont atteint ce stade-là et qui ont pu expérimenter cela. Ceux qui n'ont pas encore pu voir cette apparition, ces apparitions et ces disparitions, donc à continuer à pratiquer. It's like when you look, it's all time very fast going like vibrating. Oui, les expériences sont différentes selon chacun. Sayadeo dit qu'en effet, donc, les phénomènes physiques et mentaux n'arrêtent pas comme ça d'apparaître, de disparaître, de se succéder les uns aux autres. Et il compare par exemple cela aussi au courant électrique qui passe sans arrêt. Ok. Qu'est-ce que tu as vu là ?